Ceci est une lecture de Christiane Johann pour audiocité.net. Ceci est un enregistrement sous licence CC BY-NC ND 2.0 FR. La Messiade, poème en 20 chants par Friedrich Gottlieb Klopstock. Traduction nouvelle par Madame la Baronne de Karlowitz. La Messiade, chant 1. Le Messie s'éloigne du peuple qui vient de le proclamer roi et gravit le mont des Oliviers, où il va promettre de nouveau à son Père d'accomplir l'œuvre de la rédemption. Les souffrances de la Passion commencent pour lui. Gabriel, qui le serre sur la terre, remonte vers les cieux pour y porter ses prières. Après avoir traversé le soleil et la route aérienne qui, jadis, rattachait la terre au ciel, l'ange arrive au sanctuaire. Eloa, le plus grand des séraphins, l'introduit, et Gabriel pose l'encens sur l'autel de la rédemption. L'Éternel allume le feu du sacrifice et donne des ordres à Eloa, qui le communique à tous les immortels, afin qu'ils célèbrent le second sabbat de la création. Gabriel va porter un message aux anges gardiens de la terre, qui habitent un soleil placé dans l'intérieur du globe terrestre. Il y trouve les âmes des jeunes enfants morts, qui apprennent, dans ce mystérieux séjour, à mériter les béatitudes célestes. Gabriel se rend ensuite au soleil, où les âmes des patriarches se sont réunies autour d'Uriel, sur le pinacle du temple solaire. Âme immortelle, chante le Dieu qui s'est fait homme pour racheter les enfants d'Adam. Chante le Messie qui a bravé les souffrances et la mort pour initier de nouveau l'espèce humaine au culte de l'amour divin. Vainement Satan se leva contre le Fils de l'Éternel. La volonté éternelle se fit. Il s'accomplit le grand œuvre de la rédemption. Ô secret sublime de la miséricorde divine, la poésie osera-t-elle te célébrer? Dans le lointain ténébreux où tu la retiens, elle frémit de crainte et d'espérance. Sanctifie-la, esprit créateur. Donne-lui ton regard de feu qui sonde les profondeurs de la divinité et fais du cœur de l'homme, en dépit de son enveloppe de poussière, un temple digne de toi. Et quand tu l'auras armé de ta force, embelli de ta beauté, cette poésie qui, elle aussi, est une fille du ciel, oh, alors conduis-la au-devant de moi, pauvre poète au cœur pur, et ma voix, quoique toujours la voix tremblante d'un mortel, chantera l'homme-dieu, et j'entrerai dans l'arène d'un pas chancelant, mais soutenu par le noble espoir d'atteindre le but. Mortels ennoblis par le souffle de majesté qui passa sur l'espèce humaine lorsque son Créateur s'immola pour la sauver, âmes pieuses qui comprenaient la personnification du principe d'amour et de charité, écoutez-moi, et que la pureté de votre vie célèbre le Fils de l'Éternel. Quel vertige funeste vient de frapper Jérusalem, la ville sainte, l'ancienne nourrice des patriarches, l'antique cité des gloires surhumaines, va jeter loin d'elle sa couronne d'élus. Bientôt, elle ne sera plus qu'un autel sanglant où des mains meurtrières sacrifieront une victime innocente. Non loin des murs de Jérusalem, Jésus s'est séparé d'une foule de peuples qui, tout en l'honorant, lui prouve qu'il ne sait pas le comprendre. Ces hommes, aveuglés par le péché, ont jonché sa route de branches de palmiers et l'ont accueilli par des cris de triomphe. Le ciel s'est voilé de nuages, et du fond de ces nuages, une voix mystérieuse a dit à la Judée : « Regarde, voici celui que j'ai glorifié, que je glorifierai de nouveau. » Note. Évangile selon saint Jean. chapitre 12, verset 28. C'est dans ce même chapitre qu'il est parlé de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, telle que Klopstock l'a décrit ici. Note du traducteur. Et le peuple de la Judée n'a rien vu, rien entendu. Il ne reconnaît pas dans le Messie la plus noble émanation de la divinité. Il croit lui rendre tous les hommages qu'il mérite en le proclamant son roi. Mais lui, triste et pensif, s'est dirigé vers les montagnes qui s'élèvent à l'est de Jérusalem. C'est là qu'il va de nouveau promettre à son Père d'accomplir l'œuvre expiatoire de la rédemption. Plus d'une fois déjà, ces montagnes l'avaient reçu sur leurs cimes élevées. Il y venait passer des nuits entières en pieuse méditation et se reposer des angoisses sans nombre que la fragile enveloppe mortelle fait éprouver à l'âme qu'elle captive, lors même que cette âme est un dieu. Le crépuscule enveloppe les collines d'alentour, et Jésus s'avance vers le mont des Oliviers. Jean l'évangéliste l'a suivi, mais il s'arrête près des tombeaux. Là, le pieux disciple va consacrer la nuit à la prière, car son maître lui défend de l'accompagner plus loin. Seul, et creusant l'abîme de l'éternité de toute la force de sa pensée divine, le Messie s'élève vers l'extrémité du mont. Sa tête s'entoure d'une auréole céleste, reflet du sacrifice qui doit s'accomplir. De hauts palmiers lui prêtent leurs ombres. Un souffle mystérieux, précurseur de l'approche de l'Éternel, soulève sa chevelure. Gabriel, l'ange envoyé sur la terre pour y servir le Fils de Dieu pendant son exil, est debout entre deux cèdres majestueux. Il rêvait à l'ineffable félicité qui doit enfin devenir le partage des hommes. Lorsqu'il voit l'homme Dieu s'avancer lentement vers lui. Le séraphin sait que le jour terrible et solennel qui rachètera les péchés du monde n'est point éloigné. Cette pensée remplit son âme d'une satisfaction mêlée de tristesse. « Mon divin maître, dit-il à voix basse, ton corps épuisé a-t-il besoin de repos ? Regarde, pour ombrager ta tête immortelle, le cèdre étend ses rameaux verdoyants. Pour recevoir tes membres accablés, le baume plie ses tiges soyeuses. Au pied du mont, dans la fente des rochers où dorment les morts, croît une mousse fine et parfumée. Veux-tu que ton serviteur t'en prépare une couche ? Fils de l'Éternel, la fatigue, la douleur sont empreintes sur tes traits divins. Ah, combien tu souffres sur cette terre, par amour pour les enfants d'Adam. Le Messie répond par un regard qui renferme toutes les bénédictions du ciel et gravit péniblement la dernière pointe du rocher, la plus proche des nuages, la plus proche de Dieu. Il se prosterne, il prie, il parle à son Père. Au son de la voix de Jésus, la terre frémit d'espérance. Ce n'est plus la voix puissante et terrible de l'anathème qui lui arrive des régions célestes. C'est le doux accent du Sauveur promis, qui demande grâce pour elle, et qui déjà lui rend une partie de l'éclat dont elle brillait quand le péché de son premier homme ne l'avait pas encore souillée. La pensée du Messie sonde les profondeurs de l'infini, et ses paroles sortent enfin des lèvres mortelles d'un Dieu. Ils approchent, ô mon Père, les jours d'une éternelle et sainte alliance, les jours de l'accomplissement d'un grand œuvre, arrêté depuis l'instant où, d'accord avec ton Fils, tu conçus la création, où, dans le silence de l'éternité, nos regards, perçant le temps et l'avenir, découvrait les hommes qui n'étaient pas encore, les hommes destinés à l'immortalité et devenus la proie du péché et de la mort. Je voyais leurs malheurs, leurs souffrances. Toi, mon père, tu voyais mes larmes. Et tu promis d'incarner une seconde fois l'image de ta divinité dans l'homme déchu. Tu le sais, ô mon père, les cieux le savent aussi, combien de fois depuis cet instant j'ai soupiré après mon abaissement. Je m'estime heureux aujourd'hui, depuis 33 ans que je suis homme. Beaucoup de justes se sont rangés autour de moi, mais c'est le genre humain qu'il faut sauver. J'attends tes arrêts, qu'ils me jettent parmi les morts, qu'ils me réduisent en cendres. Je supporterai tout avec respect, avec soumission. Aucun être créé ne saurait comprendre ni ta clémence, ni ta colère. Dieu seul peut réconcilier Dieu. Apprête-toi, juge de l'univers. Je suis libre encore, je puis retourner aux cieux. Le cœur des anges m'y ramènerait en triomphe. Je m'offre une seconde fois. Mon front prosterné se relève vers le tien. Ma main touche au nuage. Je le jure par moi-même, qui suis Dieu comme toi. Je veux racheter les péchés du monde. La voix de l'Éternel répond. Elle n'est intelligible que pour le Messie. J'étends ma tête sur l'univers, mon bras sur l'infini. Je l'ai juré, mon fils, moi qui suis l'Éternel. Les péchés du monde seront remis. Il dit et se tait. Un doux frémissement agite la nature. Une sainte extase saisit tous les habitants du ciel. Au fond des enfers, l'orage gronde. Jésus est resté debout devant l'Éternel, qui n'est plus pour lui qu'un juge terrible. Et les angoisses de la rédemption commencent. Car le pressentiment, quand il touche de si près à la réalité, se confond avec elle. Gabriel s'était prosterné dans une muette adoration. Tout à coup, il se sent revivre d'une vie nouvelle, même pour lui, dont le souvenir plane sur un passé qu'aucune pensée humaine ne saurait embrasser. Il se relève, son âme nage dans une mer de délices, et de son corps aérien s'échappent des rayons éblouissants. La cime des monts étincelle, et la terre semble vouloir se dissoudre sous l'influence de cette coruscation céleste. Jésus s'en aperçoit et se tourne vers le séraphin. Voile ton éclat, tu oublies que tu me sers sur une terre d'exil. Pars, va répéter mon humble prière aux cieux réunis. Là seulement il t'est permis de briller de ta splendeur d'ange. Gabriel obéit en silence. Le Messie le suit du regard, et déjà sa pensée le voit au pied du trône de l'Éternel, où se prépare pour l'espèce humaine un avenir plus beau que l'espérance n'oserait le rêver. Rapide et diaphane comme une suave matinée de printemps, le séraphin s'est élevé vers les sphères célestes. Là, des soleils seuls remplissent l'espace, et leur reflet s'étend sur l'infini, semblable à un voile pourpré, tissé par une main divine, avec les rayons de la lumière primitive. Au-dessous de cette atmosphère étincelante, que pas un globe ténébreux n'ose aborder, la nature nuageuse passe en fuyant, et les mondes, et leurs habitants paraissent et s'abîment comme les flots de poussière, avec leur population d'insectes imperceptibles, se soulèvent et s'affaissent sous les pas du voyageur. 1000 routes partent en tous sens de ce foyer de lumière. Au milieu de la plus belle de ces routes, qui descend vers la terre, coulait jadis un torrent aux flots d'or. Sa source partait du trône de l'Éternel. Les anges, et parfois Dieu lui-même, suivaient son cours pour aller s'entretenir avec les enfants de la terre sur des rives où les rayons de l'arc-en-ciel et les nuées matinales formaient des contrées enchantées. Mais, quand l'homme perdit son innocence, le fleuve remonta vers sa source. Ils restèrent déserts les monts, dont les formes aériennes portent encore les traces de la présence de l'Éternel. Ils restèrent déserts les bosquets, dont le feuillage embaumé avait frémi sous le souffle de Dieu. Et le silence et la solitude étendirent leurs voiles de deuil sur les vallées que les habitants du ciel aimaient à visiter, et sur les berceaux où les enfants de la terre avaient goûté ces délices ineffables qui se traduisent par des larmes de joie. Quand, après le jugement universel, les étoiles s'élèveront dans des orbites infinies, quand le regard de Dieu, en embrassant tous les mondes à la fois, les fera tous rentrer dans l'harmonie céleste, alors le torrent aux flots d'or reprendra son cours, et, sur son rivage rajeuni, les fils aînés de l'immortalité accueilleront, avec un sourire fraternel, les nouveau-nés de leur mère commune. C'est sur cette route sainte et solennelle que le séraphin s'avance vers le sanctuaire des cieux. Archétype de l'univers, source de cette beauté universelle qui, semblable aux mille bras d'un fleuve rapide, sillonne l'infini et reflète tout ce qui est. Le bruissement des ailes de l'ange voyageur, porté par un souffle embaumé, arrive jusque sur les plages des soleils. À ce doux murmure, les cordes des harpes célestes vibrent sous des doigts immortels, et des chants harmonieux résonnent à travers l'espace. Compagne des anges, ô toi qui peux contempler la divinité, toi qui peux écouter des voix immortelles, muse de Sion, soutiens-moi. Note. Sion, petite montagne de la Palestine sur laquelle est bâtie Jérusalem. Les prophètes et les évangélistes désignent souvent cette ville sous le nom de Sion. Klopstock a imité leur exemple. Note du traducteur. Soutiens-moi. Je vais redire l'hymne envoyé par les habitants des cieux vers les régions saintes que le messager du Messie va franchir. Salut, sphère sacrée des apparitions divines. Là, les ombres que projettent les mondes, faibles émules des cieux, replient leurs sombres voiles. Car là, tu te montres tel que tu es, tel que tu fus, tel que tu seras, toi que nous appelons Jéhovah, quoique tu sois inexprimable. Nos chants, dans leurs élans primitifs, cherchaient en vain ton image. Ta perfection est trop vaste, même pour l'intuition des immortels. Toi seul, tu peux te pénétrer de ta pensée incommensurable. Pour agir sur les choses créées, elle est forcée de descendre jusqu'à elle. Et pourtant, tu as voulu qu'il existât des êtres en dehors de toi. Ton souffle passa sur le néant, et le ciel en sortit, brillant et beau. Ta voix créatrice commandait au premier mugissement des mers qui venaient de naître. Les plages où les mondes s'amoncelaient en masses arrondies et s'enfuyaient en roulant à travers l'espace l'entendirent, cette voix. L'âme universelle y répondit. Mais les étincelles échappées de ce grand tout n'existaient pas encore. Tu te contemplas sur ce nouveau trône. Tu y restas debout, solitaire et pensif. gloire à la divinité rêveuse, car ce fut alors qu'elle nous créa, nous, séraphins, enfants aériens de la pensée immuable, nés pour adorer cette pensée. L'Éternel dit à la solitude, « Ne sois plus !» Et aux êtres, « Soyez !» Et la solitude se peupla, et les êtres sortirent du chaos. Le cœur des anges se tait, et Gabriel continue à s'avancer dans l'océan de lumière qui l'entoure. Il s'approche du sanctuaire et se prosterne. Dieu le regarde, et les cieux après lui. Le divin Eloah vient à sa rencontre. Eloah, le plus grand des êtres créés, le plus proche de l'incréé. Sa pensée est belle comme l'âme humaine, quand, par de sublimes méditations, elle se rend digne de son immortalité. Son regard est plus doux que l'aube matinale, plus brillant que les astres lorsque, au sortir du néant, ils décrivent pour la première fois leurs étincelles paraboles. Ce fut du fond d'un océan de nuées que Dieu l'appela à l'existence. Pour former son corps, il choisit la plus douce des lueurs qui précèdent le lever du soleil. Puis il lui tendit les bras à travers l'empyré et dit, « Première de mes créatures, regarde, me voici. » Eloah le vit et se perdit dans la contemplation. Mais bientôt, il put exprimer à son Créateur ses pensées et ses sensations. Les mondes s'écrouleront et sortiront de nouveau de leurs débris. Mille et mille siècles s'abîmeront dans l'éternité avant qu'il soit donné au plus sublime des mortels de connaître de semblables pensées, de semblables sensations. À l'aspect d'Eloah, Gabriel se sent inondé d'une joie ineffable. Ces deux immortels qui, longtemps avant la naissance du globe terrestre et de ses habitants, avaient exécuté ensemble de périlleuses et sublimes entreprises, se jettent dans les bras l'un de l'autre en frémissant de bonheur. C'est ainsi que s'enlacent deux frères héroïques qui, encore couverts du sang qu'ils ont versé pour la patrie, se retrouvent sous les yeux de leur noble père. Dieu bénit les anges fraternels, embellis par cette bénédiction et par le doux éclat de leur sainte amitié. Ils s'avancent ensemble et s'arrêtent sur le mont sacré qui porte le sanctuaire des gloires célestes. Autour de ce mont, l'obscuration divine étend son empire. Calme et puissante, comme tout ce qui émane de Dieu, elle enveloppe l'étincelante clarté qui veille autour du mystère des cieux. Parfois, cette clarté sillonne les ténèbres, frappe les regards des anges et leur dévoile un roc diaphane qui scintille à l'entrée du sanctuaire. Gabriel reconnaît l'autel que les cieux ont élevé à la rédemption. Il s'en approche avec la gravité imposante d'un souverain pontife. Y dépose deux vases d'or remplis d'un encens céleste et reste plongé dans de sublimes méditations. Debout près de lui, Eloah laisse errer ses doigts sur les cordes de sa harpe. Les accords solennels qu'il en tire soutiennent la voix du séraphin sacrificateur. Cette voix redit aux cieux la prière du Messie, et son chant résonne à travers l'infini comme les gémissements de l'océan quand la tempête, messagère de la volonté suprême, le soulève en vagues écumantes. Dieu fait tomber une étincelle sur l'encens. Il s'allume, et une vapeur embaumée s'étend et monte vers la divinité. C'est ainsi que les montagnes de la terre s'élèvent, s'étendent et montent vers les nuages. Le regard de l'Éternel était resté incliné sur la montagne, où le médiateur continue à lui dévoiler les souffrances et les joies de sa double nature. Tout à coup, son regard se relève. Il domine l'infini. Les cieux attendent dans un silence solennel les ordres de leur maître. Et sur la terre, le cèdre suspend son bruissement. L'océan se tait. Et sur ses rives hérissées de rochers, les ouragans, muets et immobiles, déploient leurs larges ailes prêtes à porter partout l'univers, la parole de Dieu. La voix du tonnerre les effleure, ses ailes puissantes, et, cependant, elles restent immobiles encore, car cette voix n'est pas celle de l'Éternel, elle n'en est que le précurseur.